Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a lancé le 26 août un entretien. En voici le résumé. Toute la nation et tout le monde entier sont fortement touchés par la réussite au lancement d'essais du missile balistique de sous-marin stratégique en plongée de la Corée socialiste qui opère un essor pour la victoire finale avec la plus puissante dissuasion nucléaire. Cette réussite qui a manifesté solennellement la puissance nationale incomparable de la Corée du Sud, renforcée sans cesse malgré les épreuves de l'histoire et les provocations des ennemis, est certainement une grande fête et un événement particulier de tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora qui désirent une nation puissante sans égard aux différences d'idéologie, d'idéal et de régime. Mais seule la bande traîtresse de Bakouné se comporte d'une façon vulgaire tout en insultant les compatriotes. Le 24 dernier, ahuri juste après la nouvelle de la réussite au lancement d'essais de l'engin balistique de sous-marin stratégique, elle s'est présentée à une troupe sud-coréenne à la première ligne et a prétendu la soi-disant riposte résolue en disant que l'Honor a lancé au petit matin un missile balistique d'un sous-marin stratégique et que la menace nucléaire et de missiles est de plus en plus imminente. Ce qui est plus insupportable, c'est qu'elle a parlé de la difficulté économique et de la perturbation au Nord et qu'elle est allée jusqu'à insulter notre dignité suprême. C'est une provocation ultra-géante et une folie inimaginable. Actuellement, notre puissante armée révolutionnaire Baek-tusan attend d'un moment à l'autre l'ordre final de faire sauter la Maison Bleue avec la volonté d'étouffer sans pitié la traîtresse qui se démène frénétiquement pour déshonorer notre dignité suprême. Montée au pouvoir, Bakouné n'a fait que suivre les États-Unis servilement, porter atteinte aux compatriotes et vendre la dignité et les intérêts de la nation. Tous les compatriotes qui désirent la réconciliation et la cohésion nationale balayeront la traîtresse Bakouné pour sauvegarder la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et accélérer la réunification de la patrie.